Le prophète Michée. En abordant le livre de Michée, considérons d'abord l'homme lui-même. Il était un prophète courageux. Moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Michée 3, 8. Il était aussi un homme d'espérance. Nous lisons au chapitre 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Pourtant, il avait tout lieu de désespérer en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque Dieu l'envoya prophétiser auprès de son peuple. Le royaume d'Assyrie était au zénith de sa puissance et terrorisait les peuples d'alentour. L'empereur Salmanazar s'apprêtait à envahir les régions de la Galilée et de la Samarie en accomplissement du jugement divin, car l'Éternel avait dit « Je ferai de Samarie un monceau de ruines. » Michée 1, 6. Mais le prophète ne s'adresse pas seulement aux 10 tribus du Nord. Il avertit aussi le royaume de Juda qui, à son tour, sera envahi par l'armée assyrienne. Ce sera une punition de Dieu car le roi Akaz a rempli Jérusalem d'idoles. Sanchérib, le successeur de Salmanazar, parviendra même jusqu'aux portes de Jérusalem, ce que Michée a également prophétisé. Sa plaie, celle de Samarie, est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Michée 1, 9. Cependant, si le roi d'Assyrie campera à la porte de Jérusalem, Dieu accordera encore un sursis à cette ville. Et il frappera de façon foudroyante l'armée assyrienne en réponse aux prières ferventes d'Ézéchias le roi et d'Ésaïe le prophète. Vous lirez ce récit en 2 Rois, chapitres 18 et 19. Ce n'est qu'un siècle plus tard que Jérusalem sera détruite par Nebuchadnetsar, roi de Babylone, selon la prophétie de Michée. Si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Michée 3, 12. Dans son premier chapitre, versets 10 à 15, le prophète avait mentionné toute une série de villes et de villages dont les noms forment en hébreu des jeux de mots évocateurs des malheurs qui allaient frapper Israël. Au chapitre 2, il avait montré les raisons de ce jugement et au chapitre 3, il avait désigné les vrais coupables, à savoir les princes d'Israël et les faux prophètes. Mais, dès le chapitre 4, le thème change. Michée paraît oublier les préoccupations du moment et annonce des événements d'importance dont l'accomplissement est beaucoup plus lointain. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et que les peuples y afflueront. Michée 4, 1. Dans la Bible, le mot « montagne » symbolise très souvent un royaume. Le prophète nous laisse donc entrevoir cet avenir glorieux où le Messie dominera sur tous les peuples. Nous lisons Michée 4, versets 2 à 3. « Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Aujourd'hui, les hommes font de gros efforts pour freiner la course aux armements, prévenir les guerres, établir des traités de paix ou organiser des conférences du désarmement. Mais leurs tentatives sont vouées à l'échec, car il faut aux nations un arbitre. Cet arbitre, le monde le découvrira quand, de Jérusalem, la loi divine s'imposera aux nations. Il n'appartient pas à Michée de proclamer le nom de cet arbitre, mais le Saint-Esprit lui a communiqué avec précision son lieu de naissance, et cela près de 800 ans avant sa première venue dans le monde. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Michée 5, 1. « Qui est-il donc, celui qui un jour dominera sur Israël, celui qui, étant né à Bethléem, existait bien avant sa naissance terrestre, puisque ses activités remontent au jour de l'éternité passée. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu une première fois à Bethléem pour vivre et souffrir parmi les hommes, et qui reviendra une seconde fois bientôt pour rétablir toutes choses sur terre. Lisons Michée 5, 3 à 4. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils, les Israélites, auront une demeure assurée. C'est-à-dire des frontières sûres et reconnues. Car il, le Messie, sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. L'espérance messianique des Israélites et l'espérance chrétienne de l'Église universelle se fondent en cet avenir glorieux, car seul le Sauveur né à Bethléem est capable de ramener la paix au monde. Il est, lui, le véritable prince de la paix, Ésaïe 9, 5. Oui, cette paix ardemment désirée par des multitudes d'êtres humains sera réalisée par Jésus-Christ. Ce sera alors une paix universelle. Songez-y un instant seulement. Plus de guerres, plus d'académies militaires, plus d'écoles de recrues, plus de régiments en campagne. Les arsenaux seront fermés. L'autorité suprême aura ordonné la destruction des chars d'assaut et des bombes. Tous ces événements, ce que, de Jérusalem, le Messie dominera sur le monde entier. Cependant, Michée est envoyé avant tout vers Israël pour lui annoncer ce qui le concerne en propre. Avant que Christ soit acclamé roi des rois, le peuple juif connaîtra encore la guerre. C'est le sujet d'une nouvelle prophétie de Michée en ce chapitre 5. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Israël déchirera les peuples et fera souffrir les autres. Mais il devra aussi souffrir lui-même. Il faut qu'il soit convaincu de son péché d'orgueil et qu'il passe par l'humiliation et la repentance. C'est seulement à cette condition que Dieu pourra accorder pardon et délivrance à Jérusalem. Un jour, elle dira « Si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Michée, chapitre 7, versets 8 à 9. Alors Israël sera béni et en bénédiction. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Michée chapitre 5, verset 6. Que nous montre ce passage? Aujourd'hui, Israël ne peut déjà plus tant compter sur les hommes pour soutenir sa cause. Le jour viendra où il ne s'appuiera plus sur lui-même non plus, mais où il ne comptera que sur Dieu. Alors, il sera de nouveau en bénédiction au monde. Alors, il sera une rosée au milieu des peuples nombreux. On le voit, le cœur de Michée vibre d'espérance, tandis qu'il regarde par la foi au jour du pardon, de la paix et de la libération messianique de Jérusalem. Mettons en relation le verset de Michée 7:7 cité tout au début. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Avec la conclusion de sa prophétie. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ?» Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Comment sera-t-il possible que Dieu jette au fond de la mer tous les péchés des Israélites? Comment pourra-t-il leur offrir un pardon collectif? En vertu de l'œuvre expiatoire de son Fils à la croix du Calvaire. Le pardon a été acquis au peuple juif par le don de son Messie à la croix. C'est là que sa condamnation a été expiée. C'est là que Christ a obtenu pour lui pardon pour le passé et paix pour l'avenir. La paix future d'Israël, comme la paix des nations, découle de l'œuvre du Sauveur de Bethléem, celui pour qui les anges ont chanté au jour de sa naissance. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, 14. Or, l'écho des louanges de Bethléem résonne dans nos cœurs à la perspective des joies qui attendent le monde entier, et Israël en particulier. Vous qui faites partie de ce peuple, réjouissez-vous. Mais tous les peuples pourront aussi se réjouir, car lorsque Christ ramènera la paix, il n'y aura plus aucune discrimination raciale, et ce sera la bénédiction pour tous. Il ramènera la paix. Demain, Christ, le prince de la paix, ramènera la paix à tous les habitants de la terre. Mais aujourd'hui, il veut déjà ramener la paix dans votre vie, Philippiens 4, 7. Faites-lui confiance et acceptez-le comme sauveur. Il vous dit en cet instant, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. « Et que le Seigneur vous accorde cette paix. »